Radiomatic. amorcer la transmission 4-3-6 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du duo anglais The Wave, qui s'orthographie W-A-E-V-E. Et le duo est formé de Graham Coxon, qui est guitariste de la formation Blur, et de Rose Eleanor Dougal, ex-membre du groupe de Pipettes. De leur premier album, qui est homonyme et qui est paru le 3 février 2023, nous entendions la chanson All Along. C'est sur une collaboration entre les projets Lounge et Ice Dana que se poursuit Audiomatic. Thank you. C'était la formation Portico Quartet et sa pièce Current History apparaissant sur l'album Art in the Age of Automation paru en 2017. Avant Portico Quartet, nous entendions la collaboration entre les projets Lauge de l'artiste danois Henrik Rolsted Laugesen et autre projet S-Dana mené par le français Vincent Villuy. Cette collaboration prend forme avec l'album Terrené, duquel nous avons écouté la pièce Coriolus Effect. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe montréalais Big Brave. Il s'agissait à Audiomatic de la formation américaine Algiers, de son quatrième album Shook, lancé le 24 février 2023. Nous entendions la chanson Green Iris. Et pour débuter ce doublé musical, c'était le groupe montréalais Big Brave et sa composition The Fable of Subjugation, extraite de son plus récent album Nature Morte, sorti également le 24 février 2023. Audiomatic se poursuit maintenant avec The Resident. Thank you.

Audiomatique, nous venons d'entendre une courte composition en deux temps de l'artiste français Philippe Fichaud et son projet Deforme. La pièce intitulée In Form Cablature of Desire se retrouve sur l'anthologie de Bain Total Years qui regroupe 6 vinyles sur lesquels on accède à une sélection de compositions de Philippe Fichaud réalisées entre 1977 et 1985 à travers différents de ses projets sonores. Avant Deforme, nous entendions la formation de Residence et la pièce Festival of Death, parue sur l'album concept Eskimo, qui tente de représenter en musique la vie difficile et tendue des Inuits. Cet album a été publié en 1979. En conclusion de cette transmission 4-3-6 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du duo britannique Canola Tenderfoot. De son premier album « Winning is for Losers », lancé en 2007, nous écouterons la chanson « Another Sorry Tale ». Les sonoristes réaliseront la prochaine transmission d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h. Et si vous souhaitez apprécier nos réalisations antérieures, sachez qu'elles sont archivées dans les univers numériques et qu'une des portes d'entrée pour y accéder est à travers notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici Canola Tenderfoot et la chanson Another Sorry Tale. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Mm-hmm.